des doigts, éblouis-moi un peu. Tu m'as grillé les yeux, toute cette histoire de dose fatale et l'overdose. Pour un jeu enfantin, tu coules entre mes mains. Mes fidèles, le malin qui se glisse entre tes seins. Pourtant à l'éternel, tu restes ma belle et je reste sur ma faim. Je ne fais plus partie des tiens. Tu m'as refilé le diable ce matin sous un érable. On n'a pas eu du reste notre part de sieste. Garde crapuleuse, elle est devenue douteuse. Dans les dédales de mes détours, c'est toxique notre amour. Et c'est en saccadé que passe ma vie de damnée, médisante et jalouse. Tu as gagné la douce. Avec moi, tu t'es trompé de loi. Viens par la voir un peu, que je tombe dans tes yeux. Car fidèle est le malin qui se glisse entre tes seins. Dans les dédales de nos détours, revivra notre amour. Dans les dédales de nos détours, revivra notre amour.